Eh hey, mais c'est qui ce Lascar là? Ouais, c'est bon, il est correct, je le connais. Et le mec il doit venir aussi là-dessus, bon, il est correct. Non mais t'arrêtes, non, dis-moi pas c'est bon, à chaque fois tu ramènes des gens. Ah vas-y, tout à l'heure, vas-y, c'est okay, bon, tranquille. Ok, putain, JK là, moi je te dis, je vais pas rester ici. Ah vas-y, attends, ça vaut la peine, Le terrain il est congelé, moi je reste là, je mets les cailles. Et franchement je rentre chez moi, vas-y laisse tomber. Deux secondes, regarde. Ok bah je me le sers et je rentre là-bas. Passe-moi le dieu du gars, je crois qu'il y a Ayankli. Les raclis sont à mes passes parce que j'ai du flou. Mais elles ne savent pas que je viens de la banlieue blues. Je suis un dealer de rimes, passe-moi un scalpin et je garantis que tu assassineras quand mes streams. Bah mon nom c'est Busta, flex pour les adims. Livraison à domicile avec ta headstyle plus la gym. Je suis le fond qui Busta, appelle-moi Renega. Ma voix augmente comme les pubs sur la une quand tu ne t'y attends pas. Voilà le roughneck qui cache ses barrettes dans des paquets de cigarettes pour ne pas que les raquettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois que je me suis fait serrer en bordant mon dos tout sur moi. Mais les sont tellement bêtes qu'ils ne savent même pas qu'un jeu doux c'est un 12 titres de 100% pour un. Enfin, je ne change juste que des contrôles minimes. Car ils savent que j'ai sur moi une chose terrible qui pousse en crime. Hey yo baba, je le dis, ok dealer, il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. Flex Booster, je le dis, ok dealer, il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. J'ai les poches blindées mais ça ne m'empêche pas de marcher en sandales. Un pour le Zedou, deux pour la glace. Que j'aurai à la fin du mois si mes ventes sont efficaces. Casse, tu ne m'aimes pas, n'ai pas besoin de toi pour vivre. Que je boive, que je me saoule, ce sera toujours toi qui sera if. La marchandise arrive une fois par an, alors profite-en pendant que tu as le jargon. Yo l'année dernière c'était du fond qui j'ai coupé au Busta. Maintenant c'est du Busta, Lola et vous l'échec t'aimes ça. Je fais toujours mon possible pour satisfaire le client. C'est pour ça que dans mon douze il y a des clients. On pourra toujours dire que je flambe, que je frime. Mais je suis le seul à voir le zedou qui pousse au crime. Je le dis, ok dealer, il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. Non, flex papa, je le dis, ok dealer, il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. Combien ton zedou là? Mon zedou est à Kusty. Rageux de la mémo à la flaque qui font pas gré. Dis donc ma doudou, sois doux avec ton dado s'il te dit. Qui plane avec Flex Busta. MC joue pas les Rostas. Mon dos m'a fait que tu restes Keblo comme une suda. Mon gros 6, tu vois c'est mission LEN Broca. Production 100% fait maison avec de la farine de manioca. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, je m'en bats les yaka. T'es rodka, on a moche tes foca. Foca, Flex. Je le dis, ok dealer, qu'il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. Y'a Flex Baba. Je le dis, ok dealer, qu'il est temps de remettre quoi les pendules à l'heure. Yo, cash, cash, dans ce doux, quand y'a les stupes. Je fais du business, c'est la façon dont je m'occupe.